n'avait que d'être déchiré. Que couronné des folles de corbeaux ivres. Et le château était couvert de givre. Ce soir de fête où je m'y présentais. Ses péchés, ni cet enfant qui t'en rêvait de vivre quand je l'avais sur terre rencontré. Les murs étaient blanchis au lait de sphinx et les dalles rougies au sang d'orphée. Des mains sans grâce avaient tendu des linges aux fenêtres borgnes comme des filles. La scène était prête pour des actes. brutal.